toi, je n'ai peur de rien. Et sans toi, je me sens perdue. Je t'aime et j'ai besoin de toi, Jésus, mon amour. Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Toi, je n'ai peur de rien. Et sans toi, je me sens perdue. Je t'aime et j'ai besoin de toi, Jésus, mon amour. Ne m'en voulez pas, je suis casse de Jésus. Je suis tombée amoureuse de Jésus. Non, je ne peux de sa présence. Désormais il tient ma vie entière entre ses mains. Et si un jour je devais le perdre, j'ai bien peur d'en mourir. Ne m'en voulez pas, je suis folle de Jésus. Je suis tombée amoureuse de Jésus. Non, je ne peux me passer de sa présence. Si un jour je devais le perdre, j'ai bien peur d'en mourir. Jésus, tu es le sang qui circule dans mes veines. Tu es l'air que je respire. Je veux rester près de toi en pensant à cet amour que tu nous as montré sur la croix Golgotha. M'en voulez pas, je suis folle de Jésus. Je suis tombée amoureuse de Jésus. Non, je ne peux me passer de sa présence. Et si un jour je devais le perdre, j'ai bien peur d'en mourir. Frère aîné. Ouais, nana. Est-ce que t'es contre le rap? Ben non. Eh ben, allons-y, hein. Ouais, on y va. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Je crois que tu ne le sais pas. Encore, si tu ne le sais pas, je te le fais savoir. Sache que sans Jésus, tu ne peux rien. Pour moi, il est tout, il est moi l'amour, ma vie, ma justice. C'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand je l'appelle à mon secours, il me délivre et fait périr mes ennemis. N'est-ce pas un Dieu merveilleux? Praise the Lord, come on brother, let's stand up. Everybody jump for Jesus. Oh yeah. Venez danser pour Jésus. Achaga chaga chi, car il est bon. Achaga chaga, venez danser pour Jésus. Achaga chaga chi, car il est bon. Achaga chaga, oh aninga ninga ni. Danser pour Jésus, car il est bon. Achaga chaga, oh aninga ninga na. Danser pour Jésus, car il est bon. Achaga chaga, so kolinga ka Jésus. Asimba na moto, asimba mabega. Asimba loketo, so kolinga ka Jésus. Asimba na moto, asimba mabega. Asimba loketo, mama kulumuka, kulumuka, akulumuka, kulumuka, akulumuka. Mama tombuka, tombuka, atombuka. Lokumo ezaya Yeswe. Tala, bato balingi kosala moto, basali moto kasi bakoki kopesa pema ebomo ya moto te. Po moto apesaka pema kaka ezali mobele Nzambe. Talatina, yango nalingaka ye. Talatina, yango nakima na ye. Bolingo na kala ye, ekosila te mpe nakotika ye te kino suka na liwa. Talatina, yango nalingaka ye.